Chapitre 6 La vache bringée. Peu de jours après, à la fin de la journée, Gaspard lisait au pied d'un arbre, pendant que Lucas faisait un panier avec des bandes d'écorce d'arbre. Il s'amusait de temps en temps à chatouiller le nez ou les oreilles de Gaspard avec ses rubans d'écorce. Il riait de le voir si appliqué qu'il ne s'apercevait pas du jeu de Lucas. Il croyait que ce chatouillement venait des mouches qui se promenaient sur sa figure, et il les chassait machinalement en continuant son travail. Le chatouillement se répétait si souvent que Gaspard finit par s'impatienter. « Ces mouches sont insupportables ce soir, » dit-il enfin, « elles m'empêchent de travailler. » Lucas éclata de rire. « Gaspard, pourquoi ris-tu? Que vois-tu de drôle à ce que je sois tourmenté par ces vilaines mouches ?» Lucas, « c'est que ce ne sont pas les mouches, c'est moi qui te chatouille avec mes rubans à panier. » Gaspard, « toi, que c'est bête, avise-toi de me toucher. » Gaspard reprit sa lecture, Lucas, son panier. Il tenait à la main un long ruban qui alla caresser la joue de Gaspard. « Encore ? » s'écria Gaspard, « ça m'ennuie. Je ne veux pas que tu me touches, entends-tu ? Je ne le veux pas. » Lucas, « tu te fâches à tort, Gaspard. Cette fois, je ne l'ai pas fait exprès. Ne recommence pas, » dit Gaspard, d'un air sec et mécontent. Lucas était bien près de Gaspard, si près que sans y penser, en détortillant un de ses rubans, le bout vint encore chatouiller le visage de Gaspard. Celui-ci se retourna vers Lucas et lui allongea un coup de poing dans le dos. Lucas arracha le livre des mains de Gaspard et le jeta au loin. Gaspard saisit le panier de Lucas, le brisa et en fit autant des rubans préparés pour l'achever. « Lucas, c'est méchant ce que tu fais, Gaspard. Mon père m'avait dit de faire ce panier dont il a besoin pour demain, et voilà que tu l'as mis en pièces. » « Gaspard, pourquoi m'ennuies-tu en me chatouillant ? » « Lucas, pourquoi ne t'éloignais-tu pas de moi ? » « Gaspard, tu pouvais bien t'éloigner toi-même. » « Lucas, non, parce que j'avais à déplacer mes rubans, mes outils, ma ficelle, et puis parce que ton travail ne me gênait pas. C'est toi qui te plaignais. Et que va dire mon père à présent ?» Gaspard ne répondit pas. Il était inquiet, car il sentait qu'il avait fait une sottise. Lucas ramassa les débris de son panier et rentra à la ferme pour en recommencer un autre. Gaspard reprit sa lecture, mais il ne faisait plus la même attention à son livre. Lucas n'avait pas dit l'accident arrivé à son panier, il en avait recommencé un et se dépêchait de l'achever pour qu'on ne s'aperçût pas de l'accès d'humeur de Gaspard. Pendant qu'ils travaillèrent avec ardeur, Guillaume vint se placer devant lui. « Guillaume, tu ne me vois donc pas, Lucas ? Je suis venu faire une commission pour ton père. » « Lucas, tiens, te voilà, toi. J'étais si actionné à mon panier que je ne t'ai pas entendu arriver. Quelle commission viens-tu faire ?»« Guillaume, c'est une lettre que j'apporte à ton père. Je ne sais pas ce qu'on a mis dedans. Ils m'ont dit que c'était pressé. » « Lucas, attends, je vais appeler papa. Il est là qui mesure l'orge pour les volailles. » Lucas alla trouver son père. « Mon père, voici Guillaume qui vous apporte une lettre. Il dit que c'est pressé. » Le père laissa l'orge et alla parler à Guillaume. « Thomas, « qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Que me veut ton père ?»« Guillaume, je ne sais pas, monsieur Thomas. Il explique ça dans cette lettre qu'il m'a chargé de vous remettre. »« Thomas, c'est que je ne suis pas fort sur la lecture. Lucas, saurais-tu déchiffrer ce gribouillage ?» Il donna la lettre à Lucas, qu'il examina et la rendit en disant « Je ne saurais pas lire l'écriture. » Le père Thomas, « ni autre chose non plus, tout comme moi. Cours vite me chercher Gaspard. Il est un savant, lui. Il va nous lire ça. » Lucas partit en courant et appela Gaspard, qu'il avait laissé près de la ferme. Mais quand il arriva, Gaspard avait disparu. Après l'avoir cherché et appelé pendant quelque temps, ne le voyant pas venir, il s'en retourna à la ferme. « Lucas, je n'ai pas trouvé mon père. Il sera sans doute allé plus loin. » Le père Thomas, « pas de danger qu'il revienne travailler, celui-là. Il m'impatiente assez avec ses livres. Eh bien, Guillaume, dis à ton père qu'il n'y a pas de réponse quant à présent, et je lui ferai réponse plus tard. » Guillaume, « bien, monsieur Thomas. J'y vais de suite, car on m'a bien recommandé de ne pas m'amuser en route. Bien le bonsoir, monsieur. À revoir, Lucas. » « Lucas, à revoir, Guillaume. Viens-tu à l'école demain ?» « Guillaume, pour ça non. On n'y envoie plus. » Guillaume salua et partit. « C'est ennuyeux tout de même, dit le père Thomas, que nous ne puissions pas déchiffrer cette lettre. Si je n'étais pressé d'ouvrage, j'irais voir ce qu'il me veut, ce père Guillaume. Comment ne sais-tu pas encore lire, toi ?» Lucas, « mais mon père, il n'y a guère plus d'un an que je vais à l'école. Et j'y manque souvent. » Le père Thomas, « et ce Gaspard qui ne revient pas, où diantre est-il fourré ?» Gaspard n'avait garde de venir. Il croyait qu'on l'avait appelé pour l'affaire du panier brisé. Les conclusions accoutumées de ces sortes d'affaires étaient des coups à recevoir. Gaspard voulait laisser tomber la colère de son père, et il résolut de ne rentrer que pour le souper. Lorsqu'il arriva vers la fin du jour, il regarda avec effroi le visage assombri de son père, qui lui dit brusquement « Où as-tu été, paresseux, fainéant ?» Gaspard, craintivement, « Je me suis promené en lisant, mon père. » Thomas, quand on a besoin de toi, tu n'y es jamais. J'avais une lettre pressée à te faire lire. On t'a cherché partout. Mais, toujours la même chanson. Quand tu pourrais être bon à quelque chose, tu disparais. » Gaspard ne répondit pas, il avait trop peur. « Tiens, reprit le père, lis-moi cette lettre. » Gaspard prit la lettre et lut. « La vache bringée que tu voulais avoir, père Thomas, et pour laquelle tu ne te décidais pas, a paru gentille au voisin Camus. Il vient me l'acheter. Il m'en donne 253 francs. Si tu la veux pour ce prix, viens l'acquérir, réponds de suite. Si tu ne me fais pas dire que tu la prends, c'est que tu n'en veux pas, et Camus la paye et l'emmène de suite. Je suis ton ami pour la vie, Guillaume. » « la vache bringée !» s'écria Thomas. « Vendue, emmenée, une bête qui vaut plus de 300 francs, et je l'aurais eue pour 253 ! Faut-il avoir manqué cette affaire, faute de savoir lire ? Et toi, Lucas, qui fais le paresseux, le fainéant, n'es-tu pas honteux de ne pas savoir lire à ton âge, depuis 15 mois que tu vas à l'école ? » Lucas, « mais mon père, j'y manque plus souvent que je n'y vais. » Le père Thomas, « et pourquoi manques-tu ? Pourquoi ne fais-tu pas comme Gaspard, qui n'y manque jamais, lui, à la bonne heure ? En voilà un qui met son temps à profit. Avec lui, on n'est jamais embarrassé. Il en sait plus long que tu n'en sauras jamais, imbécile. Les mois d'école ne sont pas de l'argent perdu, au moins. » Lucas, « comment, mon père ? Mais c'est vous-même qui me faites toujours rester pour travailler à la ferme. Vous savez bien que ce n'est pas pour flâner et paresser que je ne vais pas à l'école. Et vous ne vous êtes jamais plaint de mon travail, que je sache. C'est dur d'être grondé et traité de fainéant quand on fait ce qu'on peut, et que c'est pour mieux faire qu'on ne va pas à l'école. » Le pauvre Lucas pleura amèrement. La mère, « Thomas, tu n'es pas juste. Lucas dit vrai. C'est toi qui l'empêchais d'aller à l'école, de faire comme Gaspard, que tu grondais et bousculais quand tu le voyais parti. C'est toi qui... » Le père Thomas, « tais-toi, tu m'ennuies avec tes raisons. Il n'en est pas moins vrai que j'ai manqué la vache bringée et que je n'en trouverai pas une pareille. Une cotentine est bringée et a son second veau. » La mère Thomas, « à qui la faute ? Pourquoi n'as-tu pas appris à lire ?» Le père Thomas, « tais-toi, je te dis, ne m'échauffe pas les oreilles. Mettons-nous à table, il est tard. Gaston, mon garçon, travaille à la maison tant que tu voudras, je ne te querellerai plus. » Gaspard, surpris et enchanté, remercia son père et se sentit heureux comme il ne l'avait pas été depuis 2 ans. Le pauvre Lucas pleurait encore. Le père Thomas, « As-tu bientôt fini, toi, ignorant ? Je ne te pardonnerai pas de sitôt de m'avoir fait manquer la vache bringée. » Le pauvre Lucas voulut répliquer, mais sa mère lui fit signe de se taire pour ne pas augmenter l'irritation injuste du père Thomas. Lucas, un peu consolé par le signe amical de sa mère et par ceux des gens de la ferme, essuya ses yeux et mangea comme les autres. Quand le souper fut fini, le père Thomas sortit de table et alla chez Guillaume pour savoir s'il ne pourrait pas ravoir la vache bringée. « Impossible, lui répondit Guillaume. Camus l'a payé et emmené. » « Thomas, comment ne m'as-tu pas attendu ? » Le père Guillaume, « Est-ce que je pouvais savoir que tu ferais l'orgueilleux avec moi ? Si tu m'avais fait dire que tu n'avais personne pour lire ma lettre, j'aurais dit à Camus de revenir demain. Mais il était si pressé que moi, pensant que la bringée ne t'allait pas pour le prix, je la lui ai livrée de suite. » Le père Thomas dut prendre son parti et réfléchir sur les inconvénients d'une instruction trop négligée. Il réfléchit si bien qu'il tomba dans l'excès contraire et qu'il résolut non seulement d'encourager Gaspard à augmenter sa science, mais encore d'obliger Lucas à aller tous les jours à l'école jusqu'à ce qu'il fût devenu savant comme son frère. Chapitre 7. La marche forcée. Le lendemain de cette grande contrariété du père Thomas, Lucas se disposait à aider le charretier à charger les fumiers lorsque son père l'appela et lui dit d'un ton dur « Laisse-en, tu n'as pas besoin de perdre ton temps à charger le fumier. On se passera bien de ton aide. Je ne veux plus que tu fasses le métier de fainéant. Va-t'en à l'école, avec Gaspard. Je veux que tu y ailles tous les jours. Et si tu y manques, tu auras les épaules caressées par la gaule. » Lucas, « comme Gaspard pour y avoir été, lui ?» Le père Thomas, « tais-toi, insolent. Je n'aime pas les mauvaises raisons. » Lucas ne répondit pas. Il soupira, posa sa fourche et alla rejoindre Gaspard qui partait. « Gaspard, qu'as-tu donc, Lucas ? On dirait que tu vas pleurer. » Lucas, « je n'en suis pas loin, va. Voilà mon père qui m'ordonne d'aller à l'école. » Gaspard, « ce n'est pas un grand malheur. Il y a longtemps que je te dis d'y aller. Lucas, mon père veut que j'y aille tous les jours. Il me battra si je n'y vais pas. Gaspard, pas possible. Et moi qui le battais quand j'y allais. Et le travail de la ferme. Il va donc falloir qu'il prenne quelqu'un pour te remplacer. Lucas, je ne sais pas. Ce sera comme il voudra. Si j'allais à l'école 3 fois par semaine, je pourrais travailler les autres jours. J'aiderais maman pour le beurre, pour le ménage, pour les volailles, pour bien des choses. Gaspard, oui, mais n'essaye pas. Tu sais qu'il ne fait pas bon de mettre mon père en colère, surtout quand il a du cidre dans la tête. Lucas, oui, oui, je le sais bien. Il n'aime pas la résistance. Lucas se résigna docilement aux caprices de son père. Il devait en profiter plus tard, mais il eut bien de la peine à s'y accoutumer. Les travaux des champs qu'il aimait par-dessus tout le faisaient soupirer. Ceux de l'école ne lui plaisaient pas, il n'avait pas de mémoire, il comprenait mal les explications du maître et il avançait lentement. Un jour, au moment où il partait pour l'école, le père Thomas l'appela. « Viens ici, Lucas. J'ai besoin de toi pour aller à la trappe et m'aider à ramener une génisse que je veux acheter là-bas pour remplacer la vache bringée que tu m'as fait perdre. » Lucas ne répondit pas, mais il sentit vivement l'injustice de ce reproche. Il marchait en silence. Lucas, de même que Gaspard, avait peur de son père, surtout depuis l'accusation dont il souffrait et que le père lui rappelait en toute occasion. « Tu es devenu diantrement sérieux et ennuyeux, » lui dit enfin le père Thomas après une demi-heure de marche. Lucas garda le silence. Que pouvait-il répondre ? « Ah ça, vas-tu marcher ainsi jusqu'à la trappe sans seulement desserrer les dents ?» dit le père Thomas au bout d'une seconde demi-heure. « Lucas, si je ne parle pas, c'est que je n'ai rien à dire. » « Thomas, tu avais pourtant la langue bien déliée, jadis. » « Lucas, jadis n'est pas aujourd'hui. » « Thomas, pourquoi cela ? Aujourd'hui, comme jadis, tu es ce que tu étais, un âne, et rien de plus. » « Lucas, voilà pourquoi il vaut mieux que je ne dise rien. Il n'y a rien à gagner à causer avec un âne. » « Thomas, tais-toi, tu ne sais dire que des insolences ou des sottises. » Lucas était content d'avoir taquiné son père. C'était une petite vengeance de la vache bringée. Mais il n'osa pas aller plus loin. Ils continuèrent à marcher sans dire mot. Ils arrivèrent enfin après 3 heures de marche. Ils mangèrent du pain et des œufs durs qu'avait apporté le père Thomas. Le cidre était échauffé. Le père Thomas avait de l'humeur. Ils burent de l'eau. Lucas aurait bien voulu aller voir dans les champs de la trappe les bestiaux renommés pour leur beauté, mais lorsqu'il demanda à son père la permission de l'accompagner dans les herbages, « Je n'ai que faire de toi, » répondit le père Thomas. « Repose-toi. Tout aussi bien comme tu ne parles plus, je n'ai pas besoin d'attendre ton avis. » Le père Thomas partit, laissant au pied d'un arbre le pauvre Lucas, triste et fatigué. Il ne tarda pas à s'endormir. Quand le père Thomas fut de retour avec la génisse qu'il venait d'acheter, la matinée était avancée. Il éveilla Lucas d'un coup de pied dans les reins. « Lève-toi, grand fainéant, et en route, il se fait tard. » Lucas sauta sur ses pieds et suivit son père, sans seulement regarder la génisse. Ce fut lui qui fut chargé de la mener, de sorte qu'il eut le temps de l'examiner. Il n'en fut pas content. « Ça ne fera jamais une bonne vache laitière, » se dit-il. « Comment mon père a-t-il choisi cette génisse ? La corne mal faite, la bête mal bâtie, il n'y a de joli que le poil. Et encore, est-elle trop blanche et pas assez caille ? J'aurais préféré une rouge ou une bringée. Maman ne sera pas contente. » Ils prirent une autre route que le père Thomas croyait plus courte et arrivèrent, au bout d'une heure, dans un carrefour où se trouvait un poteau avec l'indication des 3 ou 4 villages auxquels aboutissaient les chemins qui se trouvaient devant eux. « Tiens, » dit le père Thomas, « c'est que je ne m'y reconnais plus. Lequel des chemins faut-il prendre ?»« Lucas, il faut continuer tout droit, mon père. En allant, nous avons toujours marché droit devant nous. » « Thomas, regarde les écritures. J'ai payé assez de mois d'école pour que tu puisses lire un mot sur les poteaux de la route. » Lucas regarda, tâcha d'épeler, de déchiffrer le nom de l'endroit indiqué par le poteau, mais il n'y put parvenir. « Je ne sais pas, » dit-il enfin. « Les lettres sont effacées, je ne peux pas les lire. » « Thomas, ignorant, animal, nous voici dans un fameux embarras grâce à ta paresse, à ta mauvaise volonté. » « Lucas, je vous assure, mon père, que je fais ce que je peux, mais j'ai beau m'appliquer, je ne retiens pas. » « Thomas, parce que, comme je te disais tantôt, tu es un âne, un vrai bourri. » Après quelques instants d'hésitation, le père Thomas prit le chemin à droite au lieu de continuer droit devant lui, comme l'avait dit Lucas. Ils marchèrent longtemps sans se reconnaître. « Nous avons pris le mauvais chemin, » dit le père Thomas. Il se mit à jurer contre lui-même, contre les routes, contre l'innocent Lucas qu'il n'avait pas voulu écouter. La génisse ne va pas pouvoir faire une si longue route, bien sûr. Avec ça, qu'elle veut toujours s'écarter à droite et à gauche et qu'elle n'est pas commode à mener. » Lucas en savait quelque chose. Il avait les poignets meurtris à force de tirer sur la bête qui voulait toujours revenir à la trappe. Il fallait faire une bonne demi-lieue, pour le moins, avant de trouver une habitation quelconque où on pourrait se reposer. « Allons, il faut revenir sur nos pas, il n'y a pas à dire, pourvu que nous retombions dans la bonne route, » dit le père Thomas. Lucas ne manquait pas d'énergie, il était grand et vigoureux pour son âge, et quoiqu'il eût un peu perdu l'habitude de l'exercice et de la fatigue depuis qu'il passait ses journées à l'école, il suivit résolument son père pour retourner sur leurs pas, bien décidé à marcher tant qu'il pourrait mettre un pied devant l'autre. Ils arrivèrent enfin au chemin qu'ils avaient quitté et ils le continuèrent jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à un bois qu'ils connaissaient et qui se trouvait à une lieue et demie de leur ferme. « Ah, nous voici enfin dans un pays dont j'ai connaissance. Il était temps, car il se fait tard, et il y a plus de 4 heures que nous marchons et d'un bon pas. Ma foi, je suis rendu et je vais prendre un temps de repos. Attache la génisse tout au bout de la corde pour qu'elle puisse paître. » Lucas déroula la corde qui était tournée autour des cornes de la bête. Pendant qu'elle paissait et se reposait, Lucas, qui tenait la corde, s'endormit. Le père Thomas dormit aussi, de sorte que lorsqu'ils s'éveillèrent, la nuit commençait à tomber. Le père Thomas sauta sur ses pieds. « Lucas, Lucas, lève-toi, vite, en route !»« Nous avons encore 1 heure et demie de marche, et la nuit vient. » Lucas fut sur pied avant que son père eût fini de parler. Il le suivit tout endormi, éreinté, et ne pensant plus à la génisse ni à la corde qui n'était plus au bout de son bras. La route qui restait à faire fut pénible et longue. Lucas se traînait avec peine derrière son père, qui hâtait le pas tant qu'il pouvait. La nuit était venue depuis 1 heure lorsqu'ils rentrèrent dans la ferme, harassés de fatigue. « Te voilà donc enfin, Thomas, comme tu as été longtemps. Voilà votre souper qui vous attend. Nous avons tous fini il y a plus 1 heure. Je m'en vais prendre la génisse et en avoir soin pendant que vous mangerez. » À ce mot de génisse, la mémoire revint à Thomas et à Lucas. Elle était restée oubliée dans le bois. « la génisse !» s'écria le père Thomas, consterné. « Qu'en as-tu fait, Lucas ?» Lucas, effrayé, ne répondit pas. « La mère, il est tout endormi et ahuri. Laissez-le se reprendre. » Le père Thomas, « Il a perdu la génisse. Il a lâché la corde. » La mère, « Perdu la génisse ? Ce n'est pas lui qui la conduisait, je pense bien. » Thomas, « C'est lui, bien sûr. » La mère, « Et tu as laissé cet enfant mener une bête qui se débat, qui s'agite pour retourner à l'étable ? » Thomas, « S'il n'a pas assez de force pour mener une génisse, il n'est donc bon à rien. » La mère, « Pendant 1 heure, je ne dis pas, mais pendant 4 ou 5 heures. Thomas, tu es devenu bien dur pour lui. Tu exiges qu'il passe ses journées à l'école. Au retour, tu l'éreintes de travail. » Thomas, « As-tu bientôt fini ? » ?»« Il s'agit bien de Lucas. Il s'agit de la génisse que cet animal a perdue et qu'il paiera cher si elle ne se retrouve pas. C'est que me voilà bien embarrassé. Je ne sais que faire. La chercher en pleine nuit n'est pas possible. Attendre jusqu'au jour, c'est qu'elle pourrait bien s'en aller au loin, et je perdrai les 280 francs que je l'ai payés. Imbécile, animal » continua-t-il en se retournant vers Lucas. « Si je ne la retrouve pas demain, je te ferai faire une visite à l'étable. » Le pauvre Lucas frémit. Il savait ce que voulait dire une visite à l'étable. Au lieu d'une verge, c'était une corde qui servait aux corrections vigoureuses du père Thomas. Lucas, jadis aimé de son père, ne l'avait jamais senti qu'une fois, mais le souvenir lui en était resté. Et puis, il avait vu le pauvre Gaspard souffrir des semaines entières à la suite de visites à l'étable. « Qu'ai-je donc fait ? » se dit le pauvre Lucas, en entendant la menace de son père. « J'ai traîné la génisse 4 heures durant, que j'en ai les mains toutes meurtries. Quand nous nous sommes remis en route, je n'y ai pas pensé, il est vrai, mais mon père n'y a pas pensé non plus. Et puis, j'étais si fatigué, si endormi, que je n'ai changé à rien. » Mon père en a fait autant. S'il me bat pour cela, il faut qu'on le batte aussi. » La mère le fit asseoir à table pour souper, le servit copieusement et laissa son mari se tirer d'affaire tout seul. Elle lui en voulait de son injuste colère contre Lucas et de sa négligence au sujet de la génisse, qu'il aurait dû mener lui-même, pensa-t-elle. Quand elle envoya Lucas se coucher, elle lui dit à l'oreille, « N'aie pas peur, mon ami, il ne te touchera pas, je t'en réponds. Et la génisse se retrouvera demain. « Tu n'es pas fautif, mon pauvre garçon, et tu n'auras pas de mal. Dors bien et sans crainte. » Lucas remercia sa mère et gagna son lit. Il y était à peine qu'il s'endormit. Le lendemain, tout le monde avait déjeuné. La génisse était retrouvée. Gaspard travaillait à l'école que Lucas dormait encore.